Rail Suprême. Deux heures, DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Are you ready? Chaque dimanche soir, je suis heureux de vous retrouver après ces quelques jours d'absence, ces quelques soirées d'absence, ces deux soirées d'absence. Ouais. Je te retrouve. Tu nous avais un petit peu manqué. Je vous ai abandonné pendant deux soirées, mais je suis de retour et je ne bougerai plus. Ça va ? Très très bien. En pleine forme ? Ouais, super. Prêt pour Rail Suprême ? Ah oui, comme d'hab. Et ce soir, je crois qu'il y a un invité. Eh oui, un invité. Un invité surprise, il vient de sortir son projet. Ouais, il vient de sortir en scooter aussi. Aussi. Pour arriver. Et bon, on va le retrouver dans un instant. C'est Mister You qui nous rejoindra d'ici quelques minutes. C'est sur Skyrock à pas louper. Yes. Mister You débarque, mais juste avant, on attaque Rail Suprême. Ah oui, comme il se doit. Allez, c'est parti, coup d'envoi sur Rail Suprême, DJ Case au contrôle. Comme si. Rail Suprême. DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment. Moi, sans un regard, reine de Saba, j'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les paires, les bijoux, aussi le retour de ton cou. Les fruits bien mûrs au bout de miel, ma vie, Aïcha, si tu m'aimes.

Sky Suprême. Minuit, 2h sur Skyrock. On a figé longtemps.

danse, in albo. Longue vie à nos potos, Neuromat et le jet set. J'passe à Clem pour conso. J'ai dit ciao ciao à l'Europe, j'ai dit salam à l'Afrique. Mais on tape mon passeport, j'vais laisser tout mon fric. Marina joue l'un de pot, va dire à Lucien Albo Ferrari. Comme si j'étais Dubaï. Appelle-moi en showcase, gros, ta soirée, je la pime. Corniche, allez, retourne-moi, je suis dans ma piscine. Yeah. T'es pas ta belle, on tient de l'in-in. Bouffée de chaleur dans la rue, je fais mettre la clim clean. Je suis avec Blanca à casa, c'est la dream team. Ça fume du tag, un bagaï, ça nous kill beat. Soir et dimanche soir, il y a Rise Supreme avec DJ Case. Eh oui. Encore une belle première session là. Ouais. Au top. Et il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Il est de retour. Et dans les locaux. Mister You est là avec nous. Bien ou quoi, Fredo? Ça fait un petit moment. Ouais, ça fait un petit bail. Bon, depuis vendredi, en même temps, t'es venu pour la nocturne de vendredi. Ouais, non, mais ça fait un petit bail que j'avais pas trop squatté Skyrock. C'est vrai. Ça donc, là, plaisir. Donc là, tu reviens en l'espace de 48 heures, tu es de retour. Et voilà. DJ Case, bon. Bien ou quoi, mon frère? Ouais, très très bien, mon ami. Vous deux, c'est une longue histoire aussi. Bien sûr. On était dans un tir en commun il y a... On était hebs ensemble, un truc. Ah aussi, avec c'est cette gecko ouais, avec tout le monde. On a dansé avec les hindous il y a deux ans. C'est Juniji, ouais. On a comment fait tu danser. Dis, toi Juniji. Voilà, pardon. J'ai dit Juniji. Jumanji. Jumanji. Et on l'avait déjà invité aussi, exact. Donc Mister U, il est comme chez lui ici, il n'y a pas de problème. À la baraque. Bon, Mister U, nouvel album. Ouais, ça, enfin, c'est non, non, c'est ouais, plus une... C'est un street tape, voilà, un street tape, un retour. Voilà, un coming back. Un coming back. Oh, y a Ayad qui est dans les parages. Ça va, t'es content? Ça se passe bien, les retours que tu as, tout va bien? Ouais. Franchement, je suis content, je suis fier du projet. J'ai bossé dessus à fond. Franchement, je me suis mis à 400% dessus. Et une nouvelle équipe. Voilà. Et donc, franchement, je suis content du résultat pour l'instant. Prêt à repartir pour combien de temps, là, You? Là, Inch'Allah, perpétuité, gros. On prend la perpète, là. C'est reparti pour perpète. Allez, c'est reparti. Ah, c'est un phénix, même s'il s'absente 2-3 ans, il revient, il arrache tout. Ah, bah, en tout cas, il y avait une sacrée attente, hein, sur ton retour. Tu l'as senti, ouais, You? Ouais, ouais, ouais. Je voyais même les gens quand je croisais, j'étais en tournée, tout le temps, me disait You, c'est quand que tu ressors, You, c'est quand que tu ressors. Tu nous manques. Bah, vous m'avez manqué aussi, la famille. Voilà. Mais même si, il est un peu moins présent, si tu veux, sur le territoire français. Au Maghreb, il est omniprésent. Ouais, ça c'est sur vrai. Les Four Seasons, il est là. Exactement. Et les Four Seasons. Four Seasons. Tu es sur les Four Seasons. Et surtout l'été. Moi, ce que j'ai pu remarquer l'été, on a l'habitude de voir des artistes en concert et lui, il fait plein à craquer. Même s'il s'absente 2-3 ans, il revient, il dégomme tout. Ouais, ça fait plaisir de voir que le public est toujours au rendez-vous. Bon, You, est-ce que tu es prêt maintenant? Tu vas nous faire une petite session live, même okay. Une belle session live. Comme on les aime chez Skywalk. Comme on les aime dans Rise Supreme aussi. Yeah. C'est parti, coup d'envoi. Allez. Rosa, Rosa, Rosa. Gradure est de retour et il a encore choisi Skyrock. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. J'ai jamais su ce que je voulais vraiment faire dans ma vie. Gradure débarque dans l'émission rap numéro 1 en France. Découvre en exclu le nouvel album de Gradure une semaine avant sa sortie. Gradure validé par Skyrock. Planète rap Gradure. Planète rap. 20h, 21h en direct avec Fred sur Skyrock. Y'a du monde derrière ou pas? Et en vidéo live sur l'appli radio Skyrock et Skyrock.fm. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Tous les matins sur Skyrock. Skyrock. Romano gratte un maximum d'oseille. C'est la prostituée que tu es venue voir l'autre fois. Je viens récupérer les 200 euros et pour 50 balles de plus, je te fais une turlute. D'accord. Ça dérange pas ta femme? Non, pas du tout. Ça t'arrange. Les conseils pas chers sur Skyrock. C'est tous les matins à 6h40, 7h40 et 8h40 dans le morning de Default sur Skyrock. C'est Rail Suprême. Skyrock. Star Ugataga. Elle a fait du mal à mon cœur. Le grand monsieur You. Elle a fait du mal à mon cœur. Du mal à mon cœur, j'ai pas marché, j'ai pris l'ascenseur. Elle a fait du mal à mon cœur, je vais me venger, quitte à serrer sa sœur. Dire que mon amour était sincère, mais bon, dans le fond, à quoi ça sert? Quand c'est pas réciproque, c'est pire qu'un cancer. Aujourd'hui, je fous le feu à chaque concert. J'ai l'impression de taffer dans le zèf, baby, quand c'est trop, c'est bézèf. À ce stade-ci, tu sais que les jeux sont faits, donc s'il te plaît, viens pas faire ta belle. Je ne suis plus un galérien, non, Mugataga. J'espère que t'as les boules de voir ma tête à la télé. Des années perdues, je veux des dommages intérêts. Fefe, pas Porsche, leur Lamborghini. Sortu Guinée, Giel, se couleur bikini. Mysterio, DJ Kaiser, non, c'est pas fini. Casa, Paris, Oran, les États-Unis. Elle a fait du mal à mon cœur. J'ai pas marché, j'ai pris l'ascenseur. Elle a fait du mal à mon cœur. Je vais me manger, quitte à serrer sa sœur. Dire que mon amour était sincère. Mais vos drôles font à quoi ça sert? Quand c'est pas réciproque, c'est pire qu'un cancer. Aujourd'hui, je fous le feu à chaque concert. Dire qu'elle m'aimait, je lui fais mal au cœur. En moi, je portais trop de rancœur. Quand elle foutait le feu, j'étais son extincteur. J'aimais trop traîner dans le secteur. Les inspecteurs se posent des questions. Ils veulent savoir d'où viennent les biftons. Balmain, Dior, Versace, Louis Vuitton. Et le 357 Python. J'arrive en bolide, je laisse en voiturier. Bébé, c'est bien, je suis un aventurier. Si tu veux jouer, je vais gagner, ça on peut parier. Qu'on ne va pas se marier. Je t'ai fait mal au cœur, mais qu'est-ce que tu croyais? Que mes ailes allaient se déployer. Mes carnets ont déjà poussé. Pour moi, l'amour se conjugue au passé. Elle a fait du mal à mon cœur. J'ai pas marché, j'ai pris l'ascenseur. Elle a fait du mal à mon cœur. Je vais me venger, quitte à serrer sa sœur. Dire que mon amour était sincère. Mais bon, dans le fond, à quoi ça sert? Quand c'est pas réciproque, c'est pire qu'un cancer. Aujourd'hui, je fous le feu à chaque concert. Nananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan nanana, nanana. Elle a fait du mal à mon cœur. J'ai pas marché, j'ai pris l'ascenseur. Elle a fait du mal à mon cœur. Je vais manger, quitte à serrer sa sœur. Dire que mon amour était sincère. Mais bon, dans le fond, à quoi ça sert? Quand c'est pas réciproque, c'est pire qu'un cancer. Aujourd'hui, je peux le faire à chaque concert. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Où cache ta gueule? À 20 ans, j'ai fait des millions. Traficante! De sauce champignon. Je m'occupe de toi, ton daron t'a remé. J'ai que l'amour est mort avant même d'être né. Si t'as pas compris, rembobine et remet. Investissement lourd, bénéfice remet. On bosse pas une tonne pour gagner 15 kilos. On a manque d'aspect, demande un vilon. Tu veux que j'enculeur, passe-moi juste un stylo. Nique sa mère le commissaire, on donne pas de filon. Quand je suis pas faire le monde, fallait juste un pilon. J'ai traversé le désert, putain le chemin fut long. Y'a que quand y'a les teufs que mes potes et moi filons. Les boycotteurs s'embrochettent et nous les enfilons. J'ai fait tel mignon. Rapta sous ton pérignon. Ils hallucinent, ils sont sous champignon. Sans grave le gros que François Pignon. Leur grand poste te plaît reste mignon. C'est ton salaire que nous gaspillons. En haute couture nous nous habillons. C'est mystérieux, ne fait pas pillon. Ce soir surveille ta mise, si elle veut me faire la bise. Ouga taga. Moi j'ai mis de la cheese donc je vais faire des bêtises. Ouga taga. Toute la tête c'est rapta sur la piste mon gars. Ouga taga. Et si t'es gars vas-y te mal bas tu sais quoi. Ratatata. A tous mes frères incarcérés gros. Surveille à lui qui est mon père. C'est à Yuga Taga. Comme méchant Yue. Nous sont coincés, tous mes traficantés. Y'a de la salade, quoi vous alimenter. Je pars du gold, je viens de la remonter. Oh, j'ai la peur, pourquoi vous mentez? C'est pour mes frères qu'on finit me noter. Mes parigots, mes lyonnais, mes nantais. Mes frères aux belges et mes frères hollandais. Y'a de la frappe, de quoi vous inonder. Sa vie sert des maîtres et ça parle en eto. Ça parle en Wallégen, ça parle en Védo. La police nous resserre, le juge est un étau. On voit bien le viscère, on sort du ghetto. À 20 ans, j'ai fait des millions. Rapta sous Dom Pérignon. Ils hallucinent, ils sont sous champignons. Sans qu'on plus con que François Pignon. L'ordre poste te plaît, reste mignon. Son salaire que nous gaspillons. En haute couture, nous nous habillons. Ougataga, c'est des papillons. Ougataga, Ougataga. Le grand méchant You. C'est dans les bacs, ma gueule. Faut aller le chercher. Rai suprême, minuit, 2 heures. DJ Christ, ambiance avec tous les sons du moment. Ougataga, moi j'ai bu de la cheese donc je vais faire des bêtises. Toute la tête s'est rapta sur la piste mon gars. Ougataga. Et si t'es gars vas-y te mal bas tu sais quoi. Ratatata. Aïe aïe aïe. DJ Christ. Jack de Skyrock ma gueule. DJ Christ au platine. Star Yucatan, mouah. Calme dans vos gueules, ma gueule. C'est quoi les bails? Je suis pas là pour balnaf. C'est quoi les bails? En garde, à, là je suis avec Abdoulaye. Bientôt on se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval. Dites-moi c'est quoi les bails? Ce soir c'est quoi les bails? Là je suis pas là pour balnaf. Ça fait la guerre, pépère qui t'a fini. En garde, à, vive pas qu'à Abdoulaye. Bientôt on se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval. Dites-moi c'est quoi les bails? Bébé, j'étais bourré donc j'ai pas pu rentrer. L'octrice s'est venu m'a pété. Ils ont voulu m'éventrer. Ils m'ont parlé de ce qui se passait vers le détroit de Gibraltar. J'ai rien dit, je suis quoi en pote de bâtard, il me reproche plus d'un zodiac. Je pars mais d'un moonjack. J'ai les yeux plissés comme Bruce Lee. À ce cœur si je suis sous jack. Faut que l'autre triste la BRB. La guardia est vraiment teubée. Toi la gare à Saint-Tropez. S'envoie des tonnes de dobé. Bolide c'est l'air coupé. La police du Maroc s'en bat les couilles tant que tu rates. Chaque contrôle de 100 dirhams me parle pas de liberté. D'égalité va te faire niquer. La jeunesse est broliquée. Ok, ce soir c'est quoi les boys? Là je suis pas là pour bon neuf. Ça fait la guerre pépère qui t'a filé en garde. Là je suis avec Abdoulaye. Bientôt se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval. Dites-moi c'est quoi les boys? Ce soir c'est quoi les boys? Là je suis pas là pour pas neuf. Ça fait la guerre pépère qui t'a fini en garde. Ifaka ou Abdoulaye. Bientôt se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval. Dites-moi c'est quoi les boys? Étant jeune on est tous passés par Bois d'Arcy ou Fleury. On a grandi, on s'habille tous chez Versace ou Burberry. Fuck le KO et sa théorie. J'ai un petit air Thierry Henry. Roule un petit Zdeh et Henry. Je suis hors catégorie. L'argent m'a pas pourri. Je pourrais canner pour Yves, pour Baga ou pour Sambou. Je suis un soirée touriste. Je les baise. Nique sa mère la police. Dilemme sur la pleuta. Donc pépère j'm'alcoolise. Le parc il était flottant. Donc fallait bien que je glisse. Y'avait l'octrice et le 36. Donc fallait que je m'éclipse. C'est pas les clips, c'est les bleus. C'était les riches et les pauvres. À Fleury fallait 5 cyclopes. Le lundi pour être au top. J'ai appris face à l'ennemi. Faut pas arriver que ganté. Faut terminer à 4 pattes. Al dente. Des foirailles de sa mère derrière les vitres teintées. Y'a plus le temps de liker ni de commenter. Ce soir c'est quoi les boys? Là j'suis pas là pour bon neuf. Ça fait la guerre pépère qui t'a fini en garde. Là j'suis avec Abdoulaye. Bientôt on se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval. Dites-moi c'est quoi les boys? Ce soir c'est quoi les boys? Là j'suis pas là pour bon neuf. Ça fait la guerre pépère qui t'a fini en garde. Abdoulaye. Bientôt on se barre à Dubaï. Belleville. monde c'est me pousser par 300 kilos. Je disais ouais je pote au you, faut pas finir alcoolo. Calme un peu donc l'alcool, termine pas comme c'est clodo. Nos pilets 11-43, Glock Beretta, m'arrête pas une tonne et demi. Bah ouais m'arrêteront pas, le détail passe en jet ski. Le cravoy passe en paquebot, inquiète un marabout. Hamedi il est plus coté que Pablo. Ouais, passe des milliards, sans pas les couilles d'être pas beau. Il a 4 femmes, 15 hectares, plein de chevaux sous le capot. Ferrari, Lamborghini, fuck les keufs de Bobini. Il tire dans le milité les mille, avec lui c'est jamais fini. Ce soir c'est quoi les boys, là je suis pas là pour bonne neuf. Ça fait la guerre pépère qui t'a fini en garde off. Là je suis avec Abdoulaye, mettons se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval, dites-moi c'est quoi les boys. Ce soir c'est quoi les boys, là je suis pas là pour bonne neuf. Ça fait la guerre pépère qui t'a fini en garde off. Dis pas qu'à Abdoulaye, mettons se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval, dites-moi c'est quoi les boys. Dites-moi c'est quoi les boys, dites-moi c'est quoi les boys. Aïe aïe aïe. DJ Kaïs, ma gueule. Aïe suprême, Black de Skyrock, ma gueule. 96 FM, Star Ugataga. Le grand méchant You, c'est dans les bacs, ma gueule. Aïe. Ah, tu veux nous ambiancer, Kaïs, là. DJ Kaïs. J'espère que c'est le feu. Un dimanche soir, j'espère que demain vous travaillez pas. Mon bébé pari aura l'arc et où. De Marrakech à Bollywood. Casa Negra boys in the room. Eve à la vallée à Bichikimichi. Eve à la vallée à Bichikimichi. Lâche ma gueule. Eve n'a vipi de Bichikimichi. Eve n'a vipi de Bichikimichi. Amaya Mouinti. Eve m'a la rallye mali. Wesh Briti. Eve m'a la rallye mali. Wesh Briti. Eve m'a la rallye mali. Amaya Mouinti. Eve m'a la rallye mali. C'est 2015, ok, j'peux commencer à me la raconter. Ils savent tous que j'suis coté, Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Et le compte pour un blindé, c'est pas savoir sur qui compter. J'suis en coloc avec moi-même, non dans ma tête, j'sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois verres, j'suis faillage, quitte la terre. J'rejoins l'espace, c'est qu'une boy quand j'lève mon majeur. J'prends un selfie, j'leur dédicace. Pour l'instant, si j'suis sur la piste, le platine c'est DJ Time. Ougataga, DJ moi ma gueule. Ben Dix Ougatazou, Jack de Panam. Je casse à Khaled, Khaled, Khaled, Khaled. Ougataga. Et qui fout la merde. Les petites chez moi, ils bicravent tous du cutra. Pareil c'est Ougatabra. Et qui fout la merde. Les petites chez moi, ils bicravent tous. Paris c'est zou. Le taux de suicide augmente, mais c'est pour ça que le métro tarde. Rétrograde, car faut qu'on me soulève par les escargots, c'est trop tard. Comment faire pour avancer quand dans tes roues y'a des trous d'art. Des histoires de grammes ou bien des affaires de litro et d'art. Crois pas que tu rames comme Lilian quand t'as le se blade d'un étranger. T'es pas fait pour un commandement, non toi t'es que fait pour les tranchées. T'es pas français, tu te crois où oh, tu crois que c'est pour ton père qu'on bouge. C'est pas toi le grand méchant loup, mais toi t'es que le chapeur en rouge. Je te la répète petit frère, perds pas ton temps avec les gars. Je crois être la fève de la galette, mais en fait t'es que le dindon de la farce. En vrai t'es comme un agneau, livré à lui-même dans une forêt. Il a fait le mal, c'est pequeño, il a fini entièrement perforé. Qui font tout et qui fout la merde. Yeah, yeah, yeah, yeah. Les petites chez moi, ils bicravent tous du taga. Ils crient tous pareil, c'est magique, pareil, c'est zouk à taga. Et qui fout la merde. Les petites chez moi, ils bicravent tous du taga. Ils crient tous pareil, c'est magique, pareil, c'est zouk à taga. A l'ancienne, ma gueule. Dédicace, DJ Abdel, DJ Kaderka, DJ Rise, DJ Fanste, DJ Moi et DJ Kaïs au platine, ma gueule. Ouais, Chayad, il est dans la maison aussi. Alpoto Nono, il est là, pas loin dans les parages. Oh, Vino, ouais, Simo. Yeah. Oh, ma copine, bien ou quoi? Mystérieux, comment tu vas à la femme? J'ai un petit service à te demander. Alors, tu vois, y'a une petite meuf dans le 19. Je lui ai laissé les clés d'une tournoi. Mais je sais pas, je lui fais plus confiance, s'il te plaît, arrête de parler pour moi. Dès que tu les as direct sortis, tu les passes à Abdel. Pour que lui les passe à souris, car lui, ça se trouve flotté. Ouais, planqué là, ce qui ensuite, tu me le passes au tel. Il me dira si c'est ok, c'est derrière tous les bordels. Appelle Nabil et récupère mon disque dur. Ensuite, passe à Belleville, demande le numéro de que dur. Appelle-le, il comprendra. Dis-le que moi, j'ai des courbatures. Mais que le collier a été livré, classé coulis qu'à la voiture. Eh, c'est bon, t'as tout capté, hein. Ok, mais je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Ougataga. We are Ougataga. Le grand méchant You, c'est dans les packs, ma gueule. With you, gata. Et voilà. voilà pour cette session live. Waouh. Hey, comme quoi, hein, il peut partir 3 ans, revenir. Toujours, toujours, toujours. Rien n'a bougé, quoi. Ça bouge pas une oreille, comme on dit. Toujours aussi excité. Et encore, j'ai pas enlevé le pull. C'est vrai. J'ai pas enlevé le pull cette fois-ci. Et encore, mais en même temps, là, j'allais me chauffer. Mais regarde, pour une fois dans ce monde où il y a que des images, on est que pour une fois qu'à la radio, donc on peut faire rêver les gens. Bien sûr qu'il était torse nu. J'étais à poil. Avec de la biatch avec nous. Ah, dessus, toi, ta gueule. Mysterio, on rappelle que c'est dans les bacs depuis vendredi. Ouais, le grand méchant You. Le grand méchant You est de retour avec nous. Kaysé, est-ce que tu avais une dernière question à poser à You? Est-ce que tu avais quelque chose à lui dire? Un remerciement? Bien sûr, un petit message d'amour, que de l'amour maintenant. Bien sûr, non, mais You, c'est une longue histoire. On se connaît depuis très longtemps, même avant qu'il soit connu. Et très heureux pour son parcours. Et c'est pas terminé, comme il l'a dit tout à l'heure. Ça fait plaisir. Là, c'est qu'une mixtape. Donc la mixtape à déchirer. Et juste derrière, je suis sûr qu'il y aura des trucs. Attends, on va lui demander, c'est quand la prochaine étape You? C'est dans 3 ans? Ça y est là. Alors, en 3 ans, je pense que Inch'Allah, je vais sortir beaucoup de projets. C'est vrai? Franchement, j'ai la dalle là. Ouais, j'ai la dalle du micro. Donc, on peut se dire 2017. Sans date précise, mais. Sans date précise, mais voilà. Pour un il a 400 sons de côté là. Franchement, je dois en avoir 60, 70, 80. Et il y en a 500 au Maroc. Mais ceux-là, ils sont déjà en vente. C'est déjà jamais à finir. C'est déjà en Casablanca, le bras de l'œuf, aller les chercher. Bon, merci d'être passé en tout cas. Merci à vous, l'équipe. Et à très vite, You. Kaysé, toi, tu t'en vas pas tout de suite. On part pour une nouvelle session. Yes, ça continue. Ça continue, Rai Suprême. Édition Cosmos présent. DJ Mourad. Je bossais ça depuis des années. Si j'ai bossé, ben c'est pour les centimes. Je fais du sale, mon refrain, l'équipe passe pas faner. Je vais les laisser dans le vinyle, car ce soir je suis dans mon délire. Ouais, poussé, ça devait tirer. Ouais, pas trop de folie, même mon bled, on est reconnu. Mon frère, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, Blue Lab, Charlie, ouais, n'a rien dansé. Le DJ, mon rat, a compris les dangers. Ça t'arrive le bled, ça va pas changer. Je suis toujours le même, y'a que l'état qui a changé. Y'a Younes, la France, in Albu, Holo. Longue vie à nos potos. Nomade et le jet set. J'passe à thème à pour conso. J'ai dit ciao ciao à l'Europe. J'ai dit salam à l'Afrique. Ils ont tabac mon passeport. J'vais laisser tout mon fric. Marina joue l'un de pot. Badira, lui c'est Malibu. Ferrari en Abeya. Comme si j'étais Dubaï. Où les blédas d'Irurubela. C'est 2015, ok, peu comment.

Ma mère me dit de rester sage, laissez passer ce temps.

ناني ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هذا ناني ناري وفرقوك عليا واش هذا الفراق صعيب والربطة سردية ليلي ليلي بويا واش كل بلا ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هذا ناني ناري وفرقوك عليا واش هذا الفراق صعيب والربطة سردية Biggie. شي فيها صوتة بتكتب بكرة بشروطة ببشرة خير champagne, du whisky, de la vodka, de quoi te donner la... la migraine au réveil. Toutes les nuits c'est la même, la mélodie j'éteins sa mène. L'ago est tellement nebo, j'suis à deux doigts du crime passionnel. Toutes les nuits c'est la même, la mélodie j'éteins sa mène. L'ago est tellement nebo, j'suis à deux doigts du crime passionnel. J'allais pas lâcher l'affaire, qu'est-ce que tu croyais? C'est bientôt l'heure de tailler. La voilà qui est bourrée, au télo j'vais la mettre. Au dessus France, des soudres, oui. Fais la malade dans les clubs et toute la nuit. Ça fait comme Tony, les petits sont jolis. Se tendent comme jamais de la vie. Coller la petite. J'ai mis du jack dans ma tête, il a tapé la petite. Tu dis que son platine. Toutes les nuits c'est la même, la mélodie. J'ai dans sa mélame. Mais ta voix à ça, tu peux toujours galoper en bas tes phrases de romance. Elle veut un mec blindé qui pourra tout lui financer. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre d'avoir un fiancé? Elle se prend pour Beyoncé, mais elle ne sait pas danser. Elle traîne dans les soirées branchées, boîte et cabaret. Prête à tout pour se faire remarquer par n'importe quel qatari. Tout en sachant que son compte soit blindé, calcule pas son gabarit. Laisse-la faire sa life. Célibataire, elle aime sans jaillir toute la night. Elle se demande encore, ouais, passer son boy. Ouais, son boy. Son boy, boy. Laisse-la faire sa life. Laisse-la faire ça. Laisse-la faire sa life. Laisse-la faire ça. Laisse-la faire sa life. Faire ça, faire ça. Faire sa life. La, la, la. Vas-y, laisse-la faire sa vie. Aller jusqu'au bout de ses envies. Elle aime danser toute la nuit. Au bout d'un seul outil, tout le monde l'envie. Madame ne connaît pas la grisaille. Elle est à Dubaï ou à Miami. Toute l'année, elle crame au sunshine. Elle veut avoir le même pain que Riri. Suffit pas de remplir le frigo, l'offrir le dernier bigot. Elle veut se déplacer en lambeau. 5 étoiles, télo et resto. Assumera pas la cuenta. C'est la haisse dans tes poches, c'est Koh-Lanta. Au fond du club, elle se met une rapta. Et quand elle parle, c'est la cata. Oui, c'est la cata. Mon popo, elle est rata. Elle est rata. Laisse-la faire sa life. Célibataire, elle aime sans jaillir toute la night. Elle se demande encore, ouais, passer son boy. Ouais, son boy. Suprême. Minuit, 2h. Avec Fred et DJ K sur Skyrock. aider les bandits qui partent par intérêt. Enfoiré, tout penser ne crève. Apprends que ma fée, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? Envie ta tenue, mon gars, place au combat. On chipote pas, tu payes en caisse. Mon banc qui va gérer mes vêtements. Imagine ça, tu prends les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hein, mon ami, c'est bon, l'enfoiré, qui te bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Paris, Bali. Faut que les jaloux, j'y vois pas vie. À 11 ans, je vis ça à 20. Gardez, appétit. Parce que par la boule du Brésil. Imbécile, veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gardez, appétit. Gardez, appétit, appétit. Gardez, appétit. Gardez, appétit, appétit. Tout ça n'est qu'éphémère. Pas les couilles si je te plais pas. Me mépriser mes gars, faut me playback. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moula. Ouais, est-ce que mec, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Gros, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Ah, puis tu la connais pas la porte claire. On se tue l'air, et c'est moi qui le brasse. La passe, tu parles, on sait que tu ne brasses pas. J'ai plus de l'air quand la ligne est restreinte. Ungatier, appétit, passe me par je la moula du Brésil. Imbécile, veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Ungatier, appétit, Ungatier, appétit, appétit. Gardez appétit, gardez appétit, appétit. Gardez appétit, parce que par la boule à tout Brésil. Imbécile, veux pas loin d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Gardez appétit, gardez appétit, appétit. Gardez appétit, gardez appétit, appétit. Et c'est fini, déjà fini pour ce Rail Supreme Case. On a passé une belle soirée. Très hein. Très bonne soirée. Une belle session mix. You qui est passé nous voir tout à l'heure. Eh ouais, on s'est bien éclaté. Et puis toi aussi qui reviendra la semaine prochaine. C'est exactement ça. Comme tous les dimanches d'ailleurs, allez tous acheter son CD. C'est sorti depuis vendredi. Et j'ai écouté, c'est le feu. Et bah pas louper Mister You dans les bacs depuis vendredi. Case de retour la semaine prochaine. Yes. D'ici là, des soirées aussi à retrouver sur bien tes sûr, réseaux ouais, sociaux. Sur les réseaux sociaux, Facebook, DJ Case, DJ, Espace Carré, YZ, DJ Case Paris. N'hésitez pas à aller suivre DJ Case et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Allez, ciao. C'est reparti pour le son sur Skyrock. Bonne nuit. Tous les matins sur Skyrock, les stars réveillent la France.